Soleil de minuit, terrarine de sapin vert. Pour toi, belle fleur des champs, j'ai affronté la jalousie maladive, la plus exacerbée. Cette tache obséquieuse de l'amour vrai sur le paravent du boomerang. Conscience se souvient consciemment les rouges incendiaires, les roses des tympans et les mauves apocalyptiques sont des sentiments évoluants. Soleil de minuit, terrarine de sapin vert. Pour toi, belle fleur des champs, j'ai affronté la jalousie maladive, la plus exacerbée. Cette tache obséquieuse de l'amour vrai sur le paravent du boomerang. Dégoût de moi-même, ma portée à la dérive, des vents contraires s'engouvernent. J'ai cultivé les plantes exotiques de ces couleurs sur l'armature des ponts des navires. Soleil de minuit, terrarine de sapin vert. Les jaunes d'or, les verts du décor, les bleus de la nuit, les bleus des mots à mots sont les sentiments évoluants. J'ai planté les couleurs de ses fruits dans le jardin extraordinaire de l'imaginaire. Soleil de minuit, terrarine de sapin vert. Cette tache obséquieuse de l'amour vrai sur le paravent du boomerang. Soleil, minuit, terrarine de sapin.